Bonjour à tous, c'est Julien et je vous souhaite la bienvenue dans Analyse F1, ou plutôt RetroGP. Nous vous souhaitons la bienvenue dans RetroGP puisque Ghislain est là pour vous présenter sa chronique. Bonsoir Ghislain. Bonsoir Julien. Et donc, quel va être le grand prix que tu as choisi pour ce soir? Alors, pour ce soir, déjà bien bonjour à tous, hein, merci de nouveau de m'accueillir pour vous proposer donc du coup un nouveau numéro de Retro Grand Prix. Et donc du coup ce soir, on va plonger dans les années 70, exactement 40 ans en arrière à partir de cette année, plus précisément en 1975 où un Grand Prix signa l'arrêt d'un circuit. Celui de Montjuïc. Alors, je ne sais pas si on dit comme ça. Moi, je pense qu'on dit comme ça parce qu'il y a un J. Ça s'écrit M-O-N-T-G-I-U, pardon, I-C. Donc, ça doit être Montjuïc si on la prononce à l'espagnol. Pour ceux qui ont encore des souvenirs de cours d'espagnol. Donc, voilà, celui de Montjuïc en Espagne. Donc, c'est un circuit qui est situé à Barcelone. Alors, il est resté tristement célèbre, ce circuit, parce qu'il a été. Il a été le spectacle d'un très grave accident sur ce Grand Prix, justement, donc on va en parler, qui coûta la vie à, alors, les sources diffèrent, 4, 5 personnes. J'ai trouvé les deux versions personnellement. Ah, on n'est même pas sûr. On n'est même pas sûr parce qu'en fait, il n'y a pas de plaque commémorative au niveau du circuit qui permette en fait de savoir si s'il y a eu 4 ou 5 personnes. Il y a un flou en fait, il y a un flou autour de ça. Donc moi j'ai vraiment trouvé les deux la source qui décrit les 5 personnes, voilà, ça tend à dire 5. Après je sais pas s'il y a vraiment eu 5. Alors en tout cas il y a eu un grave, très très grave accident. D'accord. Et voilà, donc du coup, 40 ans après cette tragédie, on s'attaque donc ce soir au Grand Prix d'Espagne 1975. Très bien, Ghislain. Et avant d'attaquer, on va peut-être parler d'un événement qui entoure fortement le podcast francophone qui va avoir lieu, je crois, dans pas longtemps. Il s'agit de Podrenne. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Ghislain, puisque je crois que tu seras présent à cet événement? Et oui, Julien, donc effectivement, Podrenne, qui est donc une réunion, une convention, hein, on va dire les choses comme telles qu'elles sont, une convention de podcasteurs qui se déroule les 3 et 4 octobre 2015, donc dans exactement une semaine, presque une semaine, puisqu'on enregistre le jeudi 24 septembre. Et donc Podrenne à Rennes, hein, ça, je vais pas vous mentir. Quelle surprise! Ah oui, quelle surprise, chez les Bretons. Et donc moi j'y serai présent puisque habitant pas très loin, étant breton et ayant maintenant de forts contacts avec le monde podcastique, forcément j'y serai. Je pense que Julien te verra pas, malheureusement. Non, alors... c'est très loin. À la base, il y a quelques mois, j'y ai réfléchi fortement parce que je m'étais un peu intéressé à ce qui se passait à Podrenne et tout, et ça me semblait vraiment vraiment très intéressant, mais c'est assez compliqué pour moi de m'y rendre et tout, enfin pas cette année, mais l'année prochaine peut-être, quand mon podcast sera un peu plus élaboré et tout, je m'y rendrai. Mais là c'était compliqué pour cette année à tous les points de vue, mais ouais, franchement je soutiens Podrenne, et si vous voulez soutenir Podrenne, n'hésitez pas à aller sur podrenne.fr pour vous tout à renseigner, fait. Pour y aller également, et pour les soutenir. Oui, je précise juste, je te coupe rapidement, Julien, je précise juste qu'il faut s'inscrire, non pas parce que ils n'ont plus de place, mais surtout parce qu'il y a une organisation derrière, et que les gens, forcément, alors, ils demandent, les organisateurs demandent à ce que vous soyez quand même inscrit, même si vous venez en tant que simple participant. Vous inscrivez sur la page podrenne.fr, que vous soyez poditeur tout simplement ou podcasteur, vous inscrivez et votre inscription sera prise en compte, histoire que voilà, ils s'organisent pour des questions évidemment sécuritaires. D'ailleurs, oui, je crois qu'on va en parler ce soir de la sécurité. Il faut rappeler aussi que Podrenne, c'est, t'as dit convention, mais les gens peuvent s'imaginer les grandes conventions thématiques telles Comic-Con, Japan Expo et tout ça, mais c'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment vraiment, c'est pas une grosse boîte qui s'occupe du truc. Donc, non, faut c'est bien une comprendre association. Qu'il y a des contraintes organisationnelles. Tout à fait, voilà. Donc, Effectivement, ça étant dit, donc voilà, pour me voir, moi, donc je représenterai les Abyssales avec normalement mon coéquipier qui malheureusement a quitté l'aventure, qui sera aussi là d'ailleurs. Donc venez très nombreux, il y aura des débats, il y aura une pod jam, il y aura, je sais plus qu'est-ce qu'il y aura d'autre, enfin bref, il y aura plein de choses, il y aura des podcasts en direct, donc ça va être super sympa. Le samedi, je crois que c'est de 10h à 22h30, et le dimanche de 10h à 16h de mémoire, mais il faudra revoir sur Podren. Ou sinon vous leur envoyez un petit tweet, hein, ça marche très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà pour Podren. Voilà, la parenthèse étant fermée, maintenant on va pouvoir entamer Vif du sujet. le vif du sujet, le gros du dossier, c'est-à-dire le Grand Prix en lui-même, le Grand Prix de Montjuïc Oui. 1975. 75. Et d'ailleurs, tu m'avais passé un très bon article, très bon Oui, dossier même oui, oui. du SAV de la F1 De, que je vous conseille ouais. de consulter. Je n'ai pas Oui. fini de le lire, c'est donc. Donc je vais le Bah. finir bientôt, je vais le continuer. Je pense que tu vas me donner envie justement de continuer un petit peu plus pour savoir le reste de l'histoire. Bah, y a des choses que j'ai tirées, hein, de l'article. Hein. Il y a des éléments que j'ai tirés de l'article parce qu'il est hyper documenté. Ouais, c'est vrai. J'ignore de qui du SAV de la F1. Il y a peut-être le nom marqué à la fin, mais j'ignore qui a écrit cet article. Mais il est vraiment. Mais d'ailleurs, hein, tous les. Il y a bien une chose sur le SAV de la F1 qui est vraiment. Enfin, tout est bien dans le SAV de la F1. Enfin, c'est pas le problème. Mais disons qu'il y a vraiment une partie dans le site qui s'appelle en gros l'histoire de la F1, qui est juste très bon parce qu'il est vraiment documenté. D'ailleurs, le dernier article, c'est sur Karl Haas. Qui est pas qui alors qui n'est pas le As de l'année prochaine, Ouais, c'est mais Guineas, je crois, Guineas. Gene As, mais son homonyme des années 80. Voilà, donc qui raconte un peu l'histoire d'un autre As qui est arrivé en Formule 1 dans les années 80. Et donc voilà, je me demande si c'est pas Shinji. Non, c'est Fab qui a écrit cet article. Voilà. Donc on va débuter tout de suite, hein, ce Grand Prix d'Espagne 1975. Donc déjà très rapidement, ce circuit, c'est un circuit qui est construit en fait sur la colline, sur une colline en fait au-dessus de la ville de Barcelone. Hein. On est à Barcelone en fait, hein, pour situer en Espagne, et donc qui prendra le nom de Montjuïc en 1933. Puisque en fait il borde, enfin c'est pas qu'il borde, il est dans un parc qui s'appelle le parc de Montjuïc, hein, tout simplement. D'accord. Et c'est un peu comme le Grand Prix de Catalunya, qui s'appelle le circuit de Montmeló, je crois, de mémoire. C'est le circuit de C'est possible, c'est Montmeló, possible. Montjuïc. En fait, à chaque fois, ils construisent les circuits sur les collines qui sont en Catalogne. Voilà. Et je dirais que pour faire un, enfin c'est surtout qu'ils construisent sur des collines et c'est un tracé urbain, donc ça je vous mens pas. Voilà, c'est un tracé urbain. C'est d'ailleurs ça qui fait tout son intérêt. Outre le fait d'ailleurs un peu, alors pas du même style que l'Adélaïde Park, pardon, en Australie, mais voilà, c'est un peu construit comme une sorte de circuit à l'intérieur de la ville, hein, comme Monaco, comme Singapour récemment, comme voilà, comme c'est tous ces circuits. Alors. Montjuïc accueille la F1 à partir de 1969, puisque en fait avant on avait le circuit. Alors celui-là je le connais pas, c'était le circuit de Jarama à Madrid, qui accueillait le Grand Prix d'Espagne jusqu'à là. Et donc à partir de 69, Montjuïc est donc choisi pour accueillir ce Grand Prix. Alors, très rapidement pour venir sur le tracé, c'est un tracé qui mêle une partie sinueuse et une partie rapide. Et surtout, il y a une compression, une espèce de bosse, un sommet, qui est absolument. Alors, sur les seules vidéos que l'on a, parce que évidemment, on est en 1975, il n'y a pas beaucoup de vidéos, il n'y a pas de vidéo complète du Grand Prix ni quoi que ce soit, mais sur les seules vidéos, quand on voit justement de ce Grand Prix d'Espagne 75, quand on voit les voitures arriver au sommet de cette côte, alors la côte, c'est ce qu'on appelle la bosse de l'Estadio. Et la bosse de l'Estadio, alors attendez que je reprenne mes notes du coup, puisque je suis obligé de jongler entre pas mal de choses. La bosse de l'Estadio, elle est juste après la ligne de départ. Donc c'est une montée, c'est une compression. C'est un peu comme le fameux raidillon de l'Eau Rouge, hein, à Spa-Francorchamps, dans le circuit de Belgique. Et donc, tout en haut au sommet de cette bosse, les Formule 1 décollent littéralement. Hein, c'est-à-dire que on voit le travail des suspensions, on le voit très bien sur ces Formule 1. Alors, à l'époque, en 75, ces Formule 1, elles sont très plates, elles ont des ailerons assez surdimensionnées, mais elles sont surtout très plates, d'accord, avec des pneus très larges. Hein, mais vraiment, c'était vraiment des, enfin, c'est pas les c'est pneus. Des monstres. C'est des monstres, exactement. Et on voit très bien cette compression qui s'exerce tout en haut, et puis bouf, d'un coup, on a donc cette descente, et effectivement, on sent le travail intense des suspensions. Donc, et du voilà. Coup, les départs devaient être méga compliqués. Il fallait vraiment que les pilotes soient professionnels au maximum, quoi. Justement, par rapport à ça, si on regarde le départ du Grand Prix d'Espagne 75, c'est juste hallucinant. Parce que les mecs sont roue dans roue. En gros, il y en a un qui freine, tout le monde se cartonne derrière. C'est juste impressionnant. On est vraiment dans une autre époque. On est 40 ans en arrière. Tout ce que je vais vous dire ce soir, ça n'a rien à voir avec notre époque. Hein. C'était vraiment une époque où le danger, la mort même, était quelque chose de banal. La sécurité telle qu'on la connaît aujourd'hui en Formule 1, et notamment, puisque malheureusement l'actualité nous rattrape un peu trop vite avec ce Grand Prix-là qui vient à partir de demain, donc celui du Japon, la sécurité n'était pas quelque chose qui était primordial. C'était vraiment le cadet des soucis que ça soit des constructeurs ou des pilotes qui aimaient prendre le risque qui aimaient tout simplement aussi ce type de circuit. Donc bon, évidemment, je vais pas revenir sur les grands prix d'avant, je vous laisserai consulter l'article sur le site du SAV de la Formule 1. Nous, on va s'attacher en 1975 du coup. Et surtout, savoir qu'est-ce qui entourait évidemment cette saison 75, qu'est-ce qui faisait le sel de cette saison. On commence, comme j'ai envie de dire, comme d'habitude, du coup, avec les écuries et les pilotes. Alors, pour vous dire les choses, les écuries et les pilotes, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est-à-dire que auparavant, en gros, on pouvait dégager un pilote presque un Grand Prix d'après. C'est-à-dire que voilà, s'il faisait pas l'affaire, il dégageait. S'il était engagé ailleurs, il dégageait. Un peu ce que fait quelque part Manor en ce moment entre Roberto Meri et Alexander Rossi. Petite pique d'actualité. C'est voilà, histoire de voilà. Et donc il y avait cette culture où alors il pouvait aussi apporter du budget. Si le budget n'était pas voilà, donc on revient avec ces fameux pilotes payants, ce genre de choses là. Donc, ce qui fait que parfois on pouvait même changer d'écurie pendant la saison. Il y avait peut-être parfois même des rachats. Il y avait des. En gros, il y a quelques teams qui ont fait la saison complète et il y en a d'autres qui ont fait des petites piges en fait de temps en temps. D'accord. Donc, mais c'est très bien que tu rappelles ça parce que on a beaucoup. Enfin, on souligne beaucoup un peu partout que les pilotes payants, ça date d'il y a très peu de temps. Et en fait, avec ce que tu dis, c'est vrai qu'en fait, ça, c'est de tout temps. Enfin, bien sûr. Ça a toujours été de toute façon un sport automobile très cher. Après, c'est exponentiel maintenant avec on va dire, l'économie flambante et la technologie. Oui, voilà. Tout à fait. Et il faut quand même se rappeler, il me semble que James Hunt a débuté avec du. Parce qu'il avait débuté de chez Esket avec justement le comment dire Lord Esket qui était très fortuné. Oui, voilà. Il était le seul pilote de l'écurie Esket, je crois. Voilà. Oui. Et puis il apportait pas de l'argent aussi, James Hunt, de mémoire. Je sais plus. Ou c'est Loda, ou c'est Niki Loda. C'est Loda. C'est Loda. C'est Loda. Oui, oui. Tout à fait. Donc voilà, c'est un sport où qui est très cher, où les monoplaces sont déjà très sophistiquées, hein, même à cette époque-là. Évidemment, rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc, moi, je vais juste m'attacher à vous énumérer les écuries qui me semblent les plus importantes. Derrière, effectivement, il y en a énormément. Vous allez voir, la liste est juste assez énorme. On commence par McLaren, puisque McLaren, c'était peut-être leur 2e ou 3e ou 4e saison, un truc comme ça. Et ils venaient juste. Je crois que Bruce McLaren est mort en 71 de mémoire. Donc on a Marlboro d'ailleurs, Team McLaren, parce que Marlboro était sponsor de McLaren et non pas de Ferrari à l'époque, faut le savoir. Ah, c'était déjà McLaren, c'était déjà Marlboro, Mal, McLaren ouais, Marlboro à l'époque. voilà, Ça c'était restait Marlboro. longtemps quand même. Oui, tout à fait, ouais, c'était Marlboro Team McLaren pour être exact. Alors, il n'y avait pas 36 000 choix, il y avait trois moteurs sur le plateau. Comme ça va être plus simple après pour en parler. Il y avait le Ford Cosworth qui équipait presque 90% de la grille, voire même plus d'ailleurs. Ah Il y ouais? Ah avait, d'accord. tout à fait, il y avait le moteur Ferrari, qui était d'ailleurs, pour la petite histoire, un flat 12 cylindres. Le Ford Cosworth, c'était un V8. Donc il y avait deux catégories de moteurs. Il y avait le suralimenté 3 litres, qui était autorisé. Et il y avait, ah non, il y avait le suralimenté, pardon, excusez-moi, 1500 cm3, donc 1 litre 5, pardon, et les moteurs atmosphériques pouvaient atteindre 3 litres, donc soit 3 100 cm3. Voilà, donc ça, c'était les deux seuls moteurs qui étaient réglementaires. Je rappelle à toutes fins utiles que le turbo n'était pas encore apparu à cette époque-là, en 75. Donc, on avait trois moteurs, le Ford Cosworth 3 litres V8, le Ferrari Flat 12, qui n'équipait que Ferrari, ils sont un peu entre eux. Et il y avait le BRM, qui était un 3 litres V12. Alors le BRM, c'est les initiales pardon, de British Racing Motors, qui a disparu en 1977, donc qui n'a pas fait long feu, donc qui faisait et son écurie et le moteur qui allait bien avec. Donc voilà. Ça, c'était la partie moteur. Donc, j'en étais à McLaren, du coup. Chez McLaren, on avait Emerson Fittipaldi. Et attention, les noms sont absolument imbitables. Joshen Mass. Voilà, j'ai réussi à le dire. On avait aussi également Elf Team Tyrrell. Enfin, Tyrrell, le fameux Tyrrell, pardon. Donc, avec le très charismatique Ken Tyrrell. Tu m'en diras des nouvelles. Avec Jody Scheckter, Patrick Depailler qui est un Français, Jean-Pierre Jabouille qui est un Français également, et Michel Leclerc qui est un Français également. Vous allez me dire, mais il n'y a que des Français dans une écurie anglaise, c'est normal, c'était Elf le commanditaire principal. Donc c'était le pétrolier français. Elf est un pétrolier français. Oui, c'est un pétrolier français. Ils ont été rachetés par Total après. C'est un pétrolier français, donc forcément ils plaçaient leur pion. Et puis je crois qu'ils étaient issus en plus de la filière Elf, hein, si ma mémoire est bonne. Derrière, on a également un team assez célèbre, malheureusement un peu moins aujourd'hui et surtout entaché de pas mal de problèmes, le John Player Team Lotus, le fameux JPS Lotus, les fameuses monoplaces noires et or qui rappellent des souvenirs, je pense, à pas mal de monde Ah, passionné de Formule 1. les monoplaces de Colin Chapman, si innovantes à l'époque. Oui, tout. À l'époque. Plus aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, Aujourd'hui. oui, il y en a un qui s'occupe de faire des crash tests. Mais bon, après, ça, c'est un autre débat. Là, il n'y a pas de débat, hein. Il n'y a pas de débat. Hein. Tout le monde est d'accord, je crois. Tout à fait. Donc, on a Ronnie Peterson dans cette écurie qui a fait toute la saison. On a eu Jackie Hicks qui a fait de la première course à la 9e. On a eu Jim Crawford, John Watson, Brian Henton qui a fait la course 12 et 14. Alors, vraiment, c'est des pilotes qui se plaçaient comme ça. Et voilà, John Watson, par exemple, il a fait une course, comment dire, une seule course, la course numéro 11. Donc, je vous dirai après le nom des courses, bien entendu. Juste Ouais, après, donc à on a. l'époque, il y avait vraiment beaucoup de turnover Ouais, dans du les pilotes, turnover, et hein. puis c'était des piges, quoi. Hein. C'était des piges. Ouais. Donc, très clairement, par exemple, quelqu'un comme Pierre. Alors, Patrick Depailler chez Tyrrell a fait toutes ses courses, mais Jean-Pierre Jabouille n'a fait que la 9e course de la saison, comme Michel Leclerc qui n'a fait que la 14e course. Donc, tu vois, il y a vraiment. Il y a très peu de pilotes, en fait, à avoir fait vraiment toutes les courses. Je vais les énumérer après, une fois que j'aurai terminé. Juste après, on a le Martini Racing qui en réalité sont des Brabham, tout simplement. C'est Brabham. Hein. Donc voilà, avec Carlos Reutemann et José Carlos Pache. Juste après, on a une écurie qui a changé trois fois de nom, mais qui est en fait l'écurie March, tout simplement. Avec donc Beta Team March, March Engineering et Lavazza March. Donc il a changé trois fois d'écurie dans la même saison, ce qui me semble absolument incohérent. Faut suivre, hein. Franchement, le tableau il est très très très très complet. Je vous invite à le regarder, c'est sur Wikipédia, mais faut le comprendre. Donc là, on avait Vittorio Brambilla qui a fait toutes les courses et on a eu Et on a la première femme en Formule 1 qui s'appelle Leila Lombardi, qui a une petite particularité, je le dirai à la fin du podcast, à la fin de la chronique. Et on a eu également... À la fin de la chronique, pourquoi? C'est une particularité plus 18 ou... Non, c'est une particularité qui a trait à la course, en fait. C'est pour ça. Donc, d'accord. Je le dirai à la oui, fin pour éviter de tuer le suspense. Ah, et, d'accord. Et Hans Joachim Stuck. Juste après, on a la Scuderia Ferrari. Ça, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Avec Niki Lauda et Clay Regazzoni, qui, eux, ont fait toutes leurs courses. On a BRM, Stanley BRM, avec Mike Wiles et Bob Evans, donc qui est un team anglais. Alors, tous les teams sont anglais. Hein. Là, depuis le départ, à part la Scuderia Ferrari, tous les teams sont anglais. Ah bah aujourd'hui aussi. Hein. Oui, aujourd'hui aussi. On a UOP Shadow Racing Team avec Tom Price et Jean-Pierre Jarier, qui a fait toutes les courses également. On a le Team Surtees, donc du nom de John Surtees, hein, qui est ce champion du monde qui a accumulé et un championnat du monde de Formule 1 et un championnat du monde moto, enfin qui a gagné ces deux championnats du monde, hein, c'est un des seuls d'ailleurs de mémoire, avec donc deux noms différents, Team Surtees et National Organs Team Surtees, donc sans doute un partenariat, ce genre de choses. On a Frank Williams Racing Cars qui apparaît à cette époque également. Donc eux, par contre, ils ont une liste longue comme le bras de pilotes. De pilotes. On a deux Français, François Migaud et Jacques Lafitte, dont je parlerai pour justement cette course. On a Damien Magui, Yann Scheckter, Yann Ashley, Yo Volantin, Renzo Sorzi et Leila Lombardi justement qui a fait une pige. Outre le fait qu'elle soit chez March, elle a fait également une pige chez Williams. C'était la dernière course de l'année, c'était la 14e. D'accord, c'est quand même surprenant. Je ne savais pas honnêtement qu'une femme avait disputé déjà. Moi non plus. Hein, des courses de F1. Je ne savais pas. Tu vois, j'étais resté sur Suzy Wolf. Je sais, c'est complètement idiot, mais je ne savais absolument pas que. On en reparlera à la fin. On a eu également Ambassy Racing qui exploitait des châssis de Lola et qui est devenu en cours de saison, qui est devenu pendant ce Grand Prix d'Espagne le Ambassy Racing with Graham Hill. J'expliquerai après tout à l'heure. Donc dans cette écurie, on a Graham Hill, Rolf Stommelen qui va nous intéresser également, François Migaud. Qui du coup était chez Williams, mais qui était aussi chez Ambassy pour deux courses, Vern Schuppan et Alan Jones, qui débute en 1975, oui les amis, et précisément pendant ce Grand Prix. Donc, j'ai vraiment bien choisi ce Grand Prix. Voilà. Il y a 18 écuries et 50 pilotes non en tout dans l'année. J'ai pas fini encore la liste. Hein, il m'en reste quelques-uns quand même. Oui. Je vais essayer d'accélérer un peu. Juste après, on a le fameux Esquette Racing qui est devenu qui a pris trois noms différents, donc Esquette Racing, le Warsteiner Brewery pardon, et le Polar Caravans, qui étaient en fait tous en châssis Esquette en finale. Avec j'ai oublié de préciser, chez Ambassy Racing, il y avait Tony Breeze. Donc le Esquette Racing, je disais, avec James Hunt, Thorsten Palm, Harald Hert et Brent Lunger, Thorsten Palm, et voilà. C'est déjà pas mal. Tu vois, en plus, les noms sont complètement inconnus. C'est vraiment, il faut vraiment être passionné pour lire un tel truc. Et nous le sommes. Okay. Oui, tout à fait. Alors, j'ai dit une grosse connerie tout à l'heure. Alan Jones n'a pas commencé avec Williams, mais il a commencé avec le Custom Made Harry Steeler Racing, qui exploitait également des châssis d'Esquette, donc avec Alan Jones. Et d'ailleurs, cette écurie n'apparaîtra que trois courses, à la course donc, d'Espagne, la course de Monaco, et la course de Suède. Voilà, donc autant vous dire que il y a pas grand chose à en dire. Il y a également le Vels Parnell Jones Racing qui a la particularité de n'avoir qu'un seul véhicule qui est américain d'ailleurs. C'est une écurie américaine sur du Ford Cosworth et qui avait comme pilote Mario Andretti, pour ceux que ça rappelle comme souvenir. Derrière, on a également une autre écurie américaine, le Penske Cars, peut-être un peu plus connu, qui exploitait un châssis de March également. C'est les Penske. Oui, Penske, oui, c'est ça. J'ai dit D'accord. Penske, oui, j'ai dit oui, Penske. C'est effectivement c'est Penske avec deux pilotes, Mark Donohue et John Watson, qui n'ont fait que trois courses. La première en Argentine et la dernière aux États-Unis, d'ailleurs, et en Autriche. Et Watson, tu, si je me trompe pas dans ce que tu as dit, il a aussi fait des courses avec d'autres écuries aussi, je crois. John Watson, Non? c'est fort possible. Je crois qu'il est dans la liste. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, il a fait effectivement le John Player Team Lotus, donc le JPS, et il D'accord. a fait Team Surtees, effectivement. Tu bien, tu suis. Bah Parce oui, que bien vu les noms entendu. depuis tout à l'heure. Mais je comprends que ça a pu être dur quand Oui, même de préparer tout ça. ouais. Surtout pendant la course, tu vas voir, ça va être rapidement encore plus dur. Ah ouais, ok. Ouais. On a une équipe insignifiante, le Oreste Berta, qui est une écurie argentine avec Nestor Garcia Vega. Donc ce sont des écuries qui n'ont pas forcément participé d'ailleurs au Grand Prix d'Espagne, hein, d'ailleurs. Hein. Celle-là, elle a fait que deux courses, hein, Argentine et Brésil, c'est pas fiché plus. Ensuite, on a le Copersucar Fittipaldi, qui est donc une écurie brésilienne, à l'intérieur Arturio Merzario, pardon, et le petit frère d'Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi. Ensuite, on a alors les cigarettes étaient énormément représentées à l'époque, c'était les sponsors principaux de pas mal d'écuries. On a le Lucky Strike Team avec un châssis de McLaren d'ailleurs. Et on retrouve dedans Dave Charlton, Roelof Wunderlich, Gilles Van Lennep et Chris Amon. Donc autant dire des noms qui nous ont tous marqués. Ah oui, au moins. Alors non, je viens de dire en fait une grosse connerie à force de lire mon tableau. Non, le Lucky Strike Team, il a juste eu David Charlton. C'est l'autre écurie d'après qui avait tous ces noms à moitié bizarres. D'accord. Donc qui est le HB Bewalking Team Ensign. Qui s'est renommé Team Ensign après, alors je sais pas s'il avait plus de sponsors ou pas, qui exploitait des châssis Ensign. Allez savoir ce que c'est exactement, je n'en sais strictement rien. C'est une équipe, alors je crois que c'est une équipe de Formule 3 à la base, et qui a eu l'opportunité de partir en Formule 1. Et puis on va terminer sans vous dire quoi que ce soit d'autre sur les pilotes parce que là ça devient complètement insignifiant et ça nous en gros ils n'ont même pas participé à ce Grand Prix. On a le Lexington Racing qui exploitait des châssis de Tyrrell pardon, décidément. On a le Pinch Plant LTD qui exploitait des châssis de Lincar. On a le Team Gunston qui exploitait des châssis de Lotus et on a Mackie Engineering qui est un team japonais et qui exploitait des châssis de Mackie qui étaient sans doute des châssis maison. Et tout Ah, ce j'ai cru que beau. tu allais dire des châssis faits en maquis. Bref, pardon. D'accord. En bambou, si, ça marche très bien. Donc, tout ce beau petit monde était évidemment motorisé par le même moteur Ford Cosworth, qui est juste impensable aujourd'hui d'ailleurs, quand on voit la bataille que se livre Red Bull avec Mercedes et Ferrari. Voilà, ça c'est refermé comme parenthèse. Donc, alors ça, ce ne sont que les écuries et les pilotes. Les seuls pilotes à avoir fait en fait toute la saison, c'est James Hunt chez Esket. Il y a également Jean-Pierre Jarier et Tom Price chez Shadow Racing. On a Claire Regazzoni, pardon, Niki Lauda chez Ferrari. On a Carlos Reutemann et José Carlos pardon, Pache chez Brabham Martini Racing. On a Ronnie Peterson chez JPS Lotus et Patrick Depailler chez Tyrrell. Jody Scheckter également chez Tyrrell et Emerson Fittipaldi et Jochen Mass chez McLaren. Donc vraiment pas beaucoup en fait de pilotes qui se retrouvaient au final Ouais, puisqu'ils 12, je changeaient viens de compter 12 pilotes 12 qui ont fait toute pilotes. la saison. Si Tout ça à arrive fait. aujourd'hui, On crie au ça scandale. serait on crée au scandale. Bah déjà, rien que pour Alexander Rossi, il y a eu quand même des vives polémiques. Il y en a Ah bah certains qui ont j'imagine voulu faire la que polémique sur Rossi, oui. alors que finalement, Oui, il n'y a pas tellement j'imagine, de oui. polémique à faire. J'imagine. J'ai oublié chez March un seul véhicule pour toute la saison, Vittorio Brembila, puisque le reste, ce sont des piges, notamment Leila Lombardi, qui a fait de la course 3 à la course 9. Alors, en termes de Grand Prix dans la saison, il y en a eu 14 au total. 14 Grands Prix, et à l'époque, ça se faisait, il y a eu 3 Grands Prix hors championnat du monde de Formule 1. Ça se faisait, hein, il y avait des courses d'organiser. Donc, un calendrier qui commençait en janvier, qui se terminait en octobre, hein, ce qui est un peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui, ça dure quand même pas mal Ouais, de pas mal de mois. temps, mais tu sais, il y a aussi de gros trous entre guillemets entre les Grands Prix. Ah On oui. a, on avait donc une tournée, ce qu'on appelait la traditionnelle tournée de l'hémisphère sud avec l'Argentine, le Brésil et l'Afrique du Sud. Donc l'Argentine, c'était à Buenos Aires. Le Brésil, c'est le même circuit qu'aujourd'hui, c'est Interlagos. Et l'Afrique du Sud, aujourd'hui disparue, c'était Kyalami. On a ensuite un Grand Prix en mars, un seul, hein. Non, un Grand Prix en avril, pardon. C'est le Grand Prix d'Espagne à Montjuïc, du coup. On a deux circuits en mai, le traditionnel Grand Prix de Monaco qui n'a pas beaucoup changé en fait au final, et le Grand Prix de Belgique qui se déroulait à l'époque à Zolder. On a deux Grands Prix en juin, le Grand Prix de Suède à Anderstorp et le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort qui n'existe plus aujourd'hui actuellement au calendrier. Il y avait deux Grands Prix en France, deux Grands Prix pardon en juillet, le Grand Prix de France au Castellet, donc le fameux Paul Ricard. Et le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, toujours au calendrier pour ce dernier. Deux Grands Prix en août, le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring et le Grand Prix d'Autriche à Österreich. Osterreichring, non? Voilà, Österreichring, excuse-moi pour l'accent complètement pourrave, Pas de souci. qui n'existe plus aujourd'hui puisque ça a été remplacé par l'A1 Ring, enfin aujourd'hui le Red Bull Ring d'ailleurs. Donc un Grand Prix en septembre en Italie à Monza et un Grand Prix en octobre aux États-Unis à Watkins Glen qui aujourd'hui n'existe plus en tout cas sous cette forme mais c'est un Grand Prix qui se déroule à Austin au Texas. Donc je le disais du coup en préambule, il y avait trois Grands Prix d'organisés hors compétition enfin, hors championnat du monde de Formule 1. Qui ont été organisés donc le 16 mars, le 13 avril et le 24 août, donc qui rajoutaient en fait, en gros, participer celui qui voulait, hein, c'était un peu ça le but. Donc le 16 mars, c'est la X British Airways Daily Mail Race of Champions à Brands Hatch, qui est un circuit très très connu, un circuit doté d'une, je ne sais pas si tu te souviens de ce circuit, Julien, une belle compression là, une belle descente avec une belle montée. Évidemment. Et qui est malheureusement tristement célèbre, puisqu'il a vu la mort de Henri Surtees il y a quelques années de ça, à l'âge de Oui, sur 18 ans, pour un pneu qui lui était en fait tombé carrément dessus, voilà, qui est devenu malheureusement tristement célèbre. Mais c'est vrai que le circuit, enfin, il a été quand même, il est quand même célèbre plus par sa beauté et par sa Oui, particularité et son oui, environnement oui. très britannique Ah que oui, par tout à la fait. mort de Moi, je me rappelle, d'Henri Surtees. oui, évidemment, oui. Je me rappelle que moi, dans Toka 2, c'était mon circuit préféré, hein, parce que Ah, on on parle a des joué, vrais jeux, ça c'est ouais, bien. on a D'ailleurs, joué, oui. ah oui, excuse-moi, petit teaser, je ne sais pas dans combien de temps, mais il y a une émission sur la F1 et les jeux vidéo qui sera prévue. Ça c'est dit. Ah, c'est cool ça. Tu peux participer? Non, je rigole. Alors, le 13 Ah, avril. peut-être, on verra. Le 13 avril, il y a eu le Daily Express BRDC International Trophy à Silverstone. Et le Ça manque 24 de août, sponsors quand ouais, tu trouves même. aussi. Oui. Et le 24 août, le 15e Grand Prix de l'Automobile Club de Suisse, qui, comme son nom l'indique, est à Dijon-Prenois. Pourquoi c'est à Dijon-Prenois? D'accord. Voilà, donc. Pour les trois premiers Grands Prix du coup de la saison, puisque nous sommes le 27 avril lorsque nous arrivons au Grand Prix d'Espagne. En Argentine, le 12 janvier, c'est Emerson Fittipaldi sur McLaren Ford qui remporte ce Grand Prix. Le 26 janvier, c'est Carlos Patché sur Brabham Ford qui remporte le Grand Prix. Et le 1er mars en Afrique du Sud, c'est Jody Scheckter sur Tyrrell Ford qui remporte. Donc en fait, on a trois vainqueurs différents sur les trois premiers Grands Prix de la saison. Et toujours pas de victoire de Lauda qui sera Non. champion. Toujours pas, et j'en parlerai juste après, effectivement, un gros manque de la part de Ferrari dès le départ de la saison. Notez quand même que le 13 avril, donc soit un tout petit peu avant le Grand Prix d'Espagne, il y a eu ce fameux Daily Express BRDC International Trophy à Silverstone, ce fameux Grand Prix hors calendrier, hors championnat, hors saison, qui a été remporté du coup par Niki Lauda sur Ferrari. Voilà pour les détails de la saison de Formule 1 1975. Maintenant, on va attaquer du coup la course. Ah, avant d'attaquer la course, Ah oui. Ghislain, Vas-y, on va vas-y. s'écouter une petite pause musicale et après on reprend très vite pour vraiment là eh bien vivre la course comme si on y était, comme tu avais fait avec le Grand Prix de Monaco 96, si ma mémoire est bonne la dernière fois. Ouais, c'est ça, tout à fait. Très bien, eh bien à tout de suite, bonne écoute à tous. À tout de suite. Ort es dich verschlägt, du wirst einen finden, der seine Kappe trägt. Kommst du nach Hockenheim, da wirst du es spüren. Die Schumi-Mania wird dich verführen. Nous sommes de retour dans Rétro GP. Vous venez d'écouter une musique de Project Airstream, Schumi Fans sind überall, avec mon superbe accent allemand, allemand, anglais, français, bref. Tu sais ce qu'on dit en ce moment en Allemagne, hein? Volkswagen, Das. Das Auto, pardon. Ouais. Pardon, je devais la faire. Je me suis fixé comme objectif. Avant de commencer ce podcast, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je lui mette un Volkswagen. Et là, tu m'as tendu une perche, quoi. L'Allemagne, Schumacher, Volkswagen, quoi. Bientôt, ce sera BMW. D'ailleurs, je vous invite à regarder une très belle illustration que j'avais partagée sur les réseaux sociaux. C'est très drôle, ouais. Très drôle, ouais. Très très marrant. Ouais. C'est vrai qu'au moment où on parle de l'introduction de Volkswagen ou de Audi en Formule 1, de se dire qu'ils ont cette affaire qui leur tombe sur le coin du nez. C'est vrai que c'est juste assez drôle, effectivement. Alors, sinon, je voulais aussi préciser, pour l'information, que nous enregistrons ce podcast avant le week-end de Grand Prix du Japon. Donc, ouais. Ne vous en faites pas si on parle du Grand Prix du Japon au futur, c'est normal. Donc, on ne connaît pas encore. On peut juste vous dire que Maldonado sera encore mon bac à gravier, très certainement. Voilà, c'est tout. Après, le reste, vous vous débrouillez. Vous pouvez déjà. C'est une petite cote, c'est vrai que. Ça peut être une cote intéressante. ouais, comme tu dis. Bref, revenons à Montjuïc 1975. Il me semble, Ghislain, que là, tu voulais aborder vraiment la course, le week-end de course en lui-même. Ouais. Tout à fait. Donc la course, donc on l'a dit, on est le 27 avril 1975 sur donc ce fameux circuit de Montjuïc, hein, puisque la dernière édition c'est en 73 hein, d'ailleurs, puisqu'il faisait l'alternance avec Jarama. Donc comme on l'a vu, il y a eu 2 mois entre guillemets à s'écouler avant le dernier Grand Prix de Formule 1, mais bon, il y a eu des courses entre guillemets qui ne comptaient pas pour le championnat, donc ça on l'a dit avant. On notera effectivement, tu l'as souligné tout à l'heure, je voulais y revenir, mais on notera une absence complète de compétitivité de la part de Ferrari, hein, de Niki Lauda et de Claire Regazzoni. Qui ne sont pas aux avant-postes, hein, comme voulu et comme souhaité. Et Ferrari apporte une évolution, hein, sur cette course, justement, du fameux flat 12 qui équipait ses monoplaces. Alors, comme c'était du coup de coutume à cette époque, le paddock n'était pas forcément très figé et on pouvait donc voir ça et là émerger soit des pilotes ou des nouvelles écuries soit qui apparaissaient ou qui disparaissaient ou qui ne voulaient pas faire toute la saison, qui ne couraient pas forcément cette course. On a par exemple Williams qui introduit une nouvelle évolution de sa voiture, la FW04, seulement pour Arturio Merzario. Jacques Lafitte lui était en championnat de Formule 2 à l'époque et donc il a cédé sa place pour ce Grand Prix à Tony Brees, qui est donc un jeune pilote anglais de 23 ans, dont c'est le premier Grand Prix de Formule 1. March introduit un second véhicule, donc des châssis March 751 pour Vittorio Brambilla et Leila Lombardi, hein, qui est donc une femme, comme je l'ai souligné tout à l'heure. On a une écurie qui apparaît, qui est la Custom Made Aristiller Racing, qui est donc à la base une écurie de Formule 3. Alors évidemment je vous en parle pas pour la grande popularité de cette écurie, parce qu'on n'entend pas forcément parler, mais surtout pour les débuts d'un pilote que l'on retrouvera un peu plus tard dans les années 80, qui est donc Alan Jones. Et Graham Hill cède sa place chez Ambrassi Racing au profit du français François Migaud, parce qu'il décide pour ce Grand Prix de raccrocher les gants et de prendre la direction de sécurité qui se renommera d'ailleurs Ambassy Racing with Graham Hill. Elle engage d'ailleurs des Lola T371, donc des châssis Lola T371 à moteur Ford Cosworth qu'ils ont renommé Hill GH1 pour la petite histoire. Donc voilà, ça, ce sont les menus transformations pour ce Grand Prix d'Espagne. Alors, on est donc, je vais faire les comment dire, je vais raconter l'histoire. On va commencer avant le Grand Prix, puisqu'il y a des petites choses avant le Grand Prix, les qualifications, et puis évidemment derrière, la course. On va pas essayer de faire un tour par tour, parce que ça va être long et c'est fastidieux et c'est pas forcément très intéressant. On va vraiment s'attacher à voir les plus grands aspects du Grand Prix. Alors déjà, il y a un problème, c'est que dès que la Formule 1 arrive donc sur ce circuit à Montjuïc, la FISA, une semaine déjà avant l'épreuve, alors la FISA, juste deux petites choses, que je vous dise pas de conneries, en fait c'est pour la FISA, c'est la CSI, puisque avant la FIA, il y avait la FISA, et avant la FISA, il y avait la CSI, qui est la Commission Sportive Internationale, qui est la commission qui a géré donc les courses automobiles entre 1922 et 1978, et donc qui sera ensuite appelée à devenir la Fédération Internationale du Sport Automobile, la FISA, puis la Fédération Internationale de l'Automobile, la FIA. Et je vous parlerai... Donc ça avait alterné, quoi. Non, c'était une coquille de ma part. c'est une coquille de ma part, c'est tout. Je viens juste de m'en souvenir, je dis non, c'est CS, c'est une coquille de ma part. Et je vais également parler de la FOCA, qui est la Formula One Constructors Association, qui est une organisation des constructeurs de Formule 1. Qui a donc remplacé la Formula 1, alors qui a remplacé, c'est de la sémantique, on s'en fiche complètement, mais avant ça s'appelait la F1CA, qui apparemment aurait quelques problèmes dans d'autres langues, ça se dirait d'une autre manière. Donc on a par exemple Frank Williams, Colin Chapman, Teddy Mayer ou Ken Tyrrell dans cette association, dont on reparlera un peu plus tard dans la chronique. Donc la CSI, ancienne, donc la FISA, hein, vous appelez ça comme vous voulez, vous pouvez même appeler ça la FIA, on s'en fiche, hein. C'était l'espèce d'organisme qui chapeautait en fait le tout, a demandé déjà aux organisateurs de changer les barrières et les grillages. Le problème, c'est que les changements sont faits, mais les réparations sont, autant dire le mot, désastreuses. C'est-à-dire que les pilotes pouvaient s'appuyer dessus et la barrière pouvait se plier. Voilà. Donc, c'est-à-dire que il y a des boulons qui maintiennent forcément des barrières de sécurité. Alors, il faut imaginer les barrières de sécurité comme un peu à Monaco. Vous savez, ce sont des barrières qui sont juste boulonnées les unes avec les autres, quoi. Rien de plus. Le problème, c'est que les boulons sont trop petits il y a même carrément pas de boulons à certains tronçons du circuit, ce qui est quand même complètement inimaginable aujourd'hui. Et les poteaux donc, qui maintiennent les rails bougent un peu trop facilement. Donc voilà, autant vous dire qu'il y a un gros souci. Et donc quand le paddock de la Formule 1 arrive à Barcelone, ça commence déjà à sacrément gueuler. Parce que même si les pilotes n'avaient pas la même conscience du risque et du danger qu'aujourd'hui, fallait pas non plus les faire courir dans des conditions où ils pouvaient trouver la mort dans le virage d'après. Juste pour la petite année. Mais c'est pas le Grand Prix où il y avait eu d'ailleurs au début des essais libres une sorte de grève, et c'est même les équipes elles-mêmes qui sont allées justement régler les problèmes de sécurité dans les barrières. J'ai vu un documentaire là-dessus. C'est bien de me tuer ma chronique. Hein. Ah mince, désolé. C'est ça. Merci Julien. Désolé. Non, c'est parce que j'ai vu un documentaire. Non, mais il n'y a pas de souci. F1 on the limit, je crois, il n'y a pas longtemps, qui parlait du danger de la F1 à travers l'histoire, toute l'histoire du sport, quasiment. Ça allait jusqu'en 2013, je crois, 2012, un truc comme ça. Et justement, il parlait de ce grand prix. J'étais pas sûr que c'était celui-là. Hein. Si, c'est bien celui-là, c'est immanquable. Hein. Pour la petite histoire, justement, les barrières sont des barrières Armco, signées d'une entreprise donc, qui s'appelle Armco, et qui ont été un tout petit peu pointé du doigt lorsque certains ont trouvé malheureusement la mort, comme un certain François Sévère. Donc voilà, en général elles avaient tendance à plier et pas forcément à amortir vraiment le choc. Donc elles sont très mal vues, ces barrières là. Elles ont été presque le sujet du Grand Prix sur toute la durée du week-end. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'égide du coup du GPDA, que vous connaissez aujourd'hui évidemment, puisqu'il s'agit en fait de la même association de pilotes de Grand Prix que vous connaissez aujourd'hui, et surtout en fait d'un trio qui est composé de Niki Lauda, Jody Scheckter et Emerson Fittipaldi, les pilotes en fait ont menacé de ne pas prendre parti à la course tout simplement. Et d'ailleurs, on peut voir une photo, ils sont réfugiés dans le camion Texaco. Il y a une photo que vous pouvez retrouver sur Internet. Alors, j'aime beaucoup, parce qu'il y a eu une déclaration d'un James Hunt complètement... Enfin, ça aurait été moi à cette époque-là, j'aurais dit la même chose que lui. Il a dit donc ceci: ils sont plus préoccupés par la peur de renverser du jean sur leur putain de costume que par le fait d'empêcher les voitures de s'envoler dans le public. Voilà. Moi, je pense que ça résume tout ce qui a fait ce Grand Prix d'Espagne 75. Je pense que des pilotes aujourd'hui comme ça, ça manque. ou alors je sais pas, c'est peut-être Verstappen qui a pris sa place, je sais pas, enfin bref. Oh non. Il dira à la limite peut-être des pilotes d'expérience comme Massa qui des fois parlent pour leur sport et tout, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas aussi tranchant qu'un Hunt à l'époque, ça c'est clair. Non, évidemment, mais parce que là voilà, leur putain de costume, hein, c'est du jean sur leur putain de costume, hein, donc voilà, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Le problème, c'est que à cette époque, et je l'ai dit, je le redirai, c'est que la mort en course automobile est une simple fatalité, est perçue comme une simple fatalité, et les spectateurs présents dans ce Grand Prix d'Espagne montrent leur mécontentement, tout comme les journalistes qui relaient cette course, parce que des états d'âme de ce type, en gros, on en a rien à foutre à l'époque, autant vous le dire de suite. Il faut savoir que le vendredi matin, donc il y a une session matinale, hein, il y a une session le matin, elle est annulée tout simplement. Et dans l'après-midi, il y a une autre session et seuls deux pilotes ont pris part à la séance, Jackie X sur JPS Lotus et Vittorio Brambilla. Tu vois, même moi j'ai du mal à savoir sur quel monoplace il était. Sur March, voilà, c'est ça. Donc qui n'étaient pas membres du GPDA, et eux, ils ont pris la piste. Alors, c'est là que se joue un peu une partie de l'histoire, puisque l'organisation promet donc des réparations pour justement le lendemain, pour la séance qualificative du lendemain. Du coup, toute la nuit, des travailleurs donc se démènent pour réparer tout ce qu'ils peuvent réparer, hein, au final, hein, puisqu'il y a vraiment les barrières sont vraiment très très mal fixées. Et d'ailleurs, effectivement, il y a cette fameuse photo où on voit les propres équipes en fait mettre leurs travailleurs à contribution pour réparer ces fameuses barrières, justement comme un fameux Ken Tyrrell qui ira de lui-même constater les réparations. Le problème, c'est que même après ces réparations très sommaires et très fortuites, il y a une inspection des pilotes, hein. Les pilotes font une inspection de ces barrières et si votant, il y a un vote à main levée qui est organisé le midi, et seulement six votants estiment que le circuit du coup serait assez sûr pour y courir. Donc il s'agit d'Andretti, de Brise, de Donohue, d'Evans, de Peterson et de Van der Rijck. Autant vous dire que en gros le Grand Prix il était quand même assez mal assuré. Le problème, c'est que le ton va très très très très rapidement monter. Quand je vous dis très rapidement monter, c'est que faut juste imaginer une chose. L'Espagne en 1975, c'est l'Espagne de Franco. C'est-à-dire, alors c'est vrai que c'était les dernières années de règne de Franco en Espagne, mais en gros le terrain politique n'est pas très propice, surtout pour un sport, la Formule 1, donc qui est censé représenter donc un pays, l'Espagne, en la personne du circuit de Montjuïc. Donc vous imaginez qu'avoir des bisbilles de ce type-là pour un circuit, pour un pays comme l'Espagne en 75, c'était tout simplement pas possible. Donc du coup, il y a vraiment péril en la demeure. Et la demeure, elle est heureusement entre guillemets soutenue par la CSI, hein, qui va vraiment jouer un rôle très malsain, très très malsain pendant tout ce Grand Prix. Et du coup, la CSI, donc la fameuse commission sportive qui régit donc la Formule 1 à cette époque, veut absolument que les pilotes courent, ce qui est vraiment impensable. On ose imaginer qu'ils aient pu monter dans leur monoplace et courir dans des conditions aussi abjectes. C'était pour des questions de diffusion télé, non, comme c'est le cas très souvent, je n'en sais rien. Même encore aujourd'hui, non ? Je n'en sais rien. Moi, je pense qu'il y avait plus une pression politique plutôt que de diffusion télé, parce que bon, diffusion télé, on est en 75, tu sais, Julien. Après, la télé n'était pas très... Les deux peuvent être liés dans le sens où, justement, pour montrer la grandeur de l'Espagne, c'est important d'avoir un Grand Prix diffusé à l'international. C'est pour ça que je te dis, il faut pas oublier qu'on est dans l'Espagne de Franco. Donc l'Espagne de Franco, c'est pas la France de Pompidou, si tu vois ce que je veux dire. Il faut montrer la grandeur de l'Espagne. Et donc face à ce refus, et en particulier d'ailleurs face au refus de Fittipaldi, hein, qui va jouer quand même un certain rôle dans cette histoire, les Espagnols ont menacé directement d'attaquer en justice pilote écurie afin de saisir tout le matériel, que personne en fait ne quitte le circuit de Montjuïc, et donc de faire en gros arrêter tout le monde par la garde civile. Donc voilà, au moins on est sûr et certain que personne ne va partir. Et le pire, c'est que ça s'était déjà passé, notamment en 1969, où alors c'était dans le cadre d'un truc olympique. Je vais pas te dire de bêtises. En gros, voilà, ça s'est déjà produit. Donc tout le monde a à peu près peur, et la FOCA, donc la fameuse association dont je vous parlais au tout début de la course, donc qui est la Formula One Constructors Association, prend très peur, et donc du coup demande à leurs pilotes de courir malgré tout, hein, de céder au chantage, et donc ils acceptent, entre guillemets. On va voir qu'ils vont pas tous non plus accepter. Donc voilà, c'est vraiment une situation entre guillemets à la con. Donc il y a eu un communiqué de la GPDA juste avant la qualification, hein, qui dit ceci: les pilotes n'ont pas d'autre option que de prendre part à la seconde session d'essai cet après-midi. Voilà, tout simplement. Et ça veut dire que vous prenez la piste, vous faites votre métier et vous n'emmerdez personne. Très clairement, il y a vraiment c'est nauséabond, quoi. Il y a une mauvaise odeur dans le paddock. Il y en a qui sont pour courir, d'autres qui ne sont pas pour courir. Il y a la CSI, il y a derrière la menace d'avoir des gardes, la Guardia Civile venir saisir tout le matos. Il y a vraiment une ambiance de, entre guillemets, de merde. C'est très rare pour l'époque, parce que qu'il y ait de telles dissensions, parce que même s'il y avait des dangers décelés ici et là sur certains circuits, on disait ben notre boulot, ils se disaient à l'époque, notre boulot c'est de courir, même si c'est dangereux, ben oui. Justement on est là pour courir, on est là pour, enfin, pour, voilà, oui, ils sont là pour courir, mais ils sont pas là peut-être, mais là c'est pour, différent, oui, là c'est complètement différent. Donc s'annonce la qualification du Grand Prix d'Espagne. Donc voici du coup la grille. C'est du coup Niki Lauda qui partira en pole position devant son coéquipier chez Ferrari, Clay Regazzoni. Derrière, on a un outsider, hein, parce que bon, on va dire ce que l'on veut, hein, James Hunt, c'est James Hunt, mais son véhicule n'était pas tout à fait à la hauteur des espérances, hein, puisque c'était Esquette. Donc voilà, qui est troisième. Quatrième, Mario Andretti sur Parnelli, hein, Mario Andretti quand même. Cinquième, Vittorio Brambilla chez March. Sixième, John Watson sur Surtees. Septième, Patrick Despailliez sur Tyrrell. Huitième, Tom Price chez Shadow. Neuvième, Rolf Stommelen chez Hill. Emerson Graham Hill. Dixième, Jean-Pierre Jarier chez Shadow. Onzième, Joshen Mass chez McLaren. Douzième, Ronnie Peterson chez Lotus. Treizième, Jody Scheckter chez Tyrrell. Quatorzième, Carlos Pache chez Brabham, suivi de son coéquipier Carlos Reutemann dans la même équipe. Seizième, Jackie Hicks sur Lotus. Dix-septième, Marc Donohue chez Penske. Dix-huitième, Tony Breeze chez Williams. Dix-neuvième, Roy Leuf von der Rink chez Ensign. Vingtième, Alan Jones chez Esquette. Wilson Fittipaldi chez Koperschukar. Vingt-deuxième, François Migaud sur Hill. Vingt-troisième, Bob Evans chez BRM. Vingt-quatrième, Leila Lombardi, chez March. Vingt-cinquième, Arturio Merzario chez Williams. Et il y aurait dû avoir une 26e personne, la personne justement d'Emerson Fittipaldi sur McLaren. Mais disons-le très clairement, Monsieur Fittipaldi est complètement énervé et il bouclera en fait à très faible vitesse ses trois tours réglementaires au volant de sa McLaren, et il pliera bagage, tout simplement. Voilà, il déclarera justement après ses essais qualificatifs qu'il ne veut pas courir parce qu'il ne croit pas que ce circuit soit très sûr. Voilà, donc on est clair et on est net, lui plie bagage et rentre au pays. Voilà, moi c'est clair. Je pense qu'il n'y a pas d'autres. C'est les prémices des pilotes qui ont fait quand même quelque chose, qui ont débuté de faire quelque chose pour la sécurité. Ouais. Il y avait avant lui, il y avait Jackie Stewart, ouais. Fittipaldi, ouais. Des grands messieurs. Tout à fait. Qui avait la mesure du danger. Alors pour anticiper sur la course d'ailleurs, son frère Wilson Fittipaldi et Arturio Merzario se retireront après le premier tour du Grand Prix. Donc voilà, il y a trois pilotes en moins entre guillemets pour ce début du Grand Prix. Voilà pour la qualification. On arrive au dimanche. La course se déroule à 10h. Puisque, oui, monsieur, il y a corrida l'après-midi. Voilà, là. C'est donc l'événement principal, c'est la corrida. Oh là Corrida, là. oui. Mon Dieu. Eh ouais. Oh, je te sens pas. Je te sens contre la corrida. Je dois me tromper peut-être, mais. C'est possible, oui. C'est possible. Mais bon, peu importe, non, mais Non, mais même oui. si j'étais pour que la Oui, corrida passe c'est vrai, c'est en prime, complètement. on va Ouais, dire, ouais. par Voilà. rapport à la F1, Mais c'est c'est vrai que marrant. du coup, voilà, on arrive quand même sur une course à 10h du matin, course de Formule 1. Autant vous le dire, alors ça, oui, je le dirai plutôt après. Donc du coup, on va commencer la course, hein. On rentre vraiment dans... Donc Ferrari prouve qu'ils sont de retour aux affaires avec une première ligne 100% Ferrari. Donc on pense que là, c'est bon, ils ont ficelé le truc. Donc les pilotes s'en vont, quoi. Donc le départ. Où Loda va conserver donc l'avantage de sa pole hein, devant Regazzoni, Andretti et Brambilla. Le problème, c'est que Brambilla heurte Andretti. Donc ça, c'est le premier tour, hein, enfin le tour de départ. Hein, hein, donc Brambilla heurte Andretti, qui lui-même heurte Loda. C'est con. Et du coup, Loda percute Regazzoni. Et voilà. Oh Et là là. Regazzoni va taper le rail le rail de face. Le Voilà. fameux jeu de quilles que tu prédisais tout à l'heure en parlant du Exactement, circuit. exactement. Donc du coup, bah, on a déjà quatre voitures en moins sur sur le seul départ. Il y a même un début d'incendie d'ailleurs sur le véhicule sur la Ferrari de Niki Lauda. Donc du coup, on a donc Hunt qui mène puisque bah, logiquement il y en a deux en moins, on va dire entre guillemets en tête. Hunt va mener devant Andretti, Watson, Stommelen, Brambilla, Patché, Peterson, Jarier, Price et Mass. Ensuite, donc on a ce fameux abandon de Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, le petit frère d'Emerson et Merzario, donc du coup qui regagne les stands par solidarité avec Emerson Fittipaldi. Depailler va devoir renoncer avec une suspension pliée. Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire, parce qu'en fait, tout ce que je vais vous dire là, des problèmes mécaniques comme ça, aujourd'hui, on dirait une suspension pliée, enfin. C'est tout simplement pas possible quoi. Ça peut arriver, je veux dire. C'est comme des éléments mécaniques qui tombent plus souvent en panne, mais une suspension pliée quoi. Au mieux, on a une écope de frein qui chauffe, un capot moteur qui peut s'envoler parce que chez Lotus ils ont pas assez d'argent. On a ce genre de choses là, mais on a enfin une suspension pliée. Ah si, on a Maldonado qui a... Non, Maldonado c'était le moteur, c'était pas une suspension. Enfin, ça aurait pu quand même. Je crois qu'il en a Belgique. fait, il a fait toutes les parties de la voiture dans ces dernières années. Je crois, ouais. Du coup, au tour 2, on se retrouve avec Hunt, Andretti, Scheckter et Scheckter et Mass, pardon. Du coup, Hunt et Andretti, eux, vont s'échapper progressivement. Ensuite, on a un petit peloton compact en milieu qui est mené avec Watson et Stommelen. Le problème, c'est que, alors, il y a eu un calage de la part de Price. Voilà, donc du coup, Price est en 18e position, donc au revoir, bonhomme. Tour 4, on a Scheckter qui casse son moteur et répand de l'huile sur la piste. Ouais, c'est con. Le problème, c'est que Alan Jones et Donohue glissent sur ces fameuses projections d'huile, hein, puisque bah, l'huile, comme tout le monde le sait, ça glisse. Du coup, Donohue heurte, comment dire, le rail et du coup va harponner carrément Alan Jones qui va partir en tête à queue. Donc du coup, on a déjà deux voitures en plus en moins. Deux voitures en moins. J'ai pas fait des comptes, hein, mais autant vous dire que là, on a déjà 6 ou 8 voitures en moins, quoi, sur 4 tours, quoi, 4 tours. On a même, on a, enfin, alors le Grand Prix, je l'ai pas dit tout à l'heure, le Grand Prix compte 75 tours. Si déjà au quatrième tour, on a déjà, allez, on va dire un tiers, on va dire pas tout à fait un tiers du peloton qui est en moins, je peux vous dire que la course, ça va être coton. Oui, alors j'ai oublié de le dire, c'est 3 km 791 la durée du le kilométrage du circuit exact, et c'était prévu donc pour 75 tours. Vous allez voir que ça va être très très très très coton. On continue du coup notre petit bonhomme de chemin. Du coup, on est sur le tour 6 où on a une seconde d'avance Hunt qui mène toujours la course devant Andretti. Juste derrière, on a Watson, Stommelen et Brambilla. On avance avec le septième tour qui va voir l'abandon de Hunt puisqu'il va tout simplement en fait glisser sur l'huile répandue, rappelez-vous, par Scheckter au tour numéro 4. Et donc du coup, il va taper le rail de sécurité, le fameux rail de sécurité. Et donc du coup, Andretti va reprendre la tête de l'épreuve. Donc Andretti va mener de 5 secondes au tour 8 sur Parnelli. Stommelen est toujours 3ème, suivi de Patché, Peterson, Mas et X. Jarier est au stand. Jarier est au stand pour changer une roue suite à une crevaison. Brambilla également va devoir changer de pneu et Evans va renoncer à cause d'une panne d'alimentation, donc encore une voiture en moins. Au dixième tour, Andretti est toujours en tête avec 5 secondes d'avance sur Watson. Donc là, il n'y a pas de changement. On commence à avoir un statu quo. Le douzième tour va voir en fait l'abandon de la surtis de Watson à cause d'un problème de vibration. Du coup, Watson donc, était deuxième. Stommelen va récupérer cette deuxième place avec Patché et Peterson. Migaud va partir en tête à queue, d'ailleurs, pour la petite histoire. D'accord. Voilà, donc on a vraiment. Que de rebondissements. Mais, oui, on a des rebondissements. J'ignore si j'explique bien ou si je vois. Je sais que c'est pas très facile comme ça par l'audio, mais je peux vous dire que on imagine. Ça serait un peu comme un Grand Prix de Monaco, parce qu'on n'a pas trop d'équivalence, mais ça serait un peu comme un Grand Prix de Monaco où on verrait abandonner presque tour par tour, parce qu'il y a un problème sur ci, sur ça, ou que. Enfin, c'est juste improbable aujourd'hui. C'est plus cela, c'est plus une roulette russe. Oui, tout à fait. Ça tient même pas compte en fait des performances du véhicule. Hein. Ça tient juste à. Ça peut en fait arriver à n'importe qui. La preuve, Lauda qui a abandonné au tout départ. Alors c'était pas de sa faute évidemment, puisqu'il s'est fait harponner. Mais entre guillemets, c'est presque ça quoi. C'est au petit bonheur la chance. On va récolter le nombre de points qu'il faudra récolter. Bon, alors du coup, Watson, je vous ai dit qu'il avait abandonné. Non, il n'a pas abandonné, mais Watson a repris la piste au 15e tour quand même. Donc, il y a quand même 3 tours d'écart entre le 12e et le 15e. Donc, autant vous dire qu'il est un peu dans les choux. On a donc Andretti, Stommelen, Patché, Peterson, Mas et X. Et la première course de Brise il est 7e. Voilà, donc, alors, j'ai juste oublié de vous préciser. C'était les 6 premiers à l'époque qui étaient comptabilisés en termes de points, histoire quand même que vous gardiez un semblant de repère. Et donc Brise a réussi à se faire de l'air dans le peloton. Oui, du coup avec le nombre de d'abandons, forcément oui qu'il a réussi à se faire de l'air. Juste pour revenir sur les points, le premier remportait 9 points, 6 points pour le deuxième, 4 points pour le troisième, 3 points pour le quatrième, 2 points pour le cinquième et 1 point pour le sixième, voilà. Barème qui sera augmenté un peu par la suite. Au 17e tour, on voit en fait l'abandon carrément d'Andretti, puisqu'il y a une rupture de suspension encore une fois arrière gauche. Et donc, du coup, Andretti se scratch méchamment contre le rail. Mais du coup, ces ruptures de suspension, c'est dû à la bosse là ? C'est probable, je peux pas te dire. Carrément au circuit en lui-même qui était bosselé. C'est possible, hein, parce qu'à mon avis, les suspensions devaient pas mal travailler. On avait vraiment une partie très sinueuse et une partie un peu plus rapide. Et donc, du coup, je pense que la suspension déjà était fortement sollicitée pour cette compression et cette bosse. Et puis en plus, derrière, effectivement, un circuit qui était assez exigeant pour tout ce qui est grippe. À mon avis, ça a dû vachement jouer. Okay. Du coup, Stommelen et Ambassi, Graham Hill vont prendre par surprise la tête du coup du Grand Prix devant Patché, Peterson, Mas, X, Brise, Price et Van der Rink, Reutemann, Brambilla et Jarier pour être tout à fait complet. On avance un peu le Grand Prix, hein, puisqu'on a juste l'abandon de Van der Rink qui va abandonner au 21e tour, suite à la rupture d'un arbre de transmission. Mais c'est Patché en fait qui va créer la surprise en 22e position puisqu'il va réussir à doubler en 22e tour pardon puisqu'il va réussir à doubler Stommelen. Donc il va être en tête de la course. Le problème c'est qu'au 23e tour, ce même Patché va commettre une erreur et Stommelen va du coup reprendre le commandement. Donc il y a vraiment un mano à mano entre les deux hommes. Donc voilà. On avance et on va arriver petit à petit vers ce qui va nous intéresser le plus dans ce Grand Prix. Au 24e tour, on a Peterson qui va percuter Migo. Du coup, Mas va récupérer la 3e place. J'espère que vous suivez. Et pendant ce temps-là, on a Price qui va abandonner puisque ses suspensions ont eux aussi pas mal souffert puisqu'il s'est accroché en fait au 20e tour avec Brice, donc avec la Williams de Brice, qui est donc ce pilote qui avait débuté pour ce Grand Prix. Au 25e tour, donc on a toujours Stommelen en tête sur Patché, avec Mas et X en 4e position, Reutemann, Jarier, Brambilla, Lombardi. Lombardi d'ailleurs, que l'on voit apparaître au 25e tour, dont les 10 premiers. Et on arrive à ce fatidique 26e tour, donc je vous ai bien ménagé le suspense. Donc on est, on commence à avoir une situation à peu près de statu quo en tête, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Donc en fait, Stommelen entame ce tour. Je vous l'ai dit que cette compression était juste après la ligne d'arrivée. Donc Patché est juste en fait derrière lui au moment là. Donc ils sont au mano à mano. L'aileron arrière en fait de la Emerson Graham Hill se détache tout simplement. Donc la voiture du coup est déséquilibrée, comme c'est une compression forcément vous savez bien qu'il faut absolument un aileron hein, parce que sinon le véhicule s'envole. Ça n'a pas loupé puisque sa monoplace décolle sur une bosse, qui n'était pas la bosse en fait, la fameuse bosse, mais elle décolle en fait sur une bosse de la piste. Et donc du coup, comme elle décolle, elle heurte le côté en fait, enfin le côté gauche de la piste. Elle est renvoyée via, enfin voilà, c'est con à dire, hein, mais c'est comme si vous jetez un truc contre le mur. Bah, le mur vous renvoie la chose hein, selon comment ça rebondit. Mais là, effectivement, sa monoplace rebondit sur le rail et est renvoyée de l'autre côté en fait. Ouf. Voilà. Au passage, elle touche la voiture de Patché qui était juste derrière du coup. Avec la violence du choc, la même monoplace va voler au-dessus des rails de sécurité et elle va s'écraser en fait de l'autre côté, c'est-à-dire, si vous me suivez bien, du côté où il y a des spectateurs, tout simplement. Donc voilà, elle tombe sur les spectateurs. Et du coup, Patché, avec ce choc, son pneu éclate et lui va taper également le rail. Donc là, drapeau jaune, on déploie sur donc ce secteur. Il faudra juste noter que Jarier en a profité pour doubler Reutemann. Je sais pas, il a pas dû voir qu'il y avait un petit problème, mais voilà. Donc juste drapeau jaune. Hein. Ouais. Notez bien ce que je vous ai dit, drapeau jaune. D'accord. Ça veut dire qu'on continue notre course. Au 27e tour, donc du coup, on fait comme s'il n'y avait rien eu. Hein. Donc je vous rappelle la scène, la voiture donc de Stommelen a tapé contre le rail qui lui-même a renvoyé sur l'autre rail avec la violence. Sa monoplace est partie de l'autre côté et potentiellement il y a des spectateurs qui sont derrière. Mais la course continue. Vous allez voir après, voilà. 27e tour, donc on continue. Du coup, Mas a récupéré la tête de la course devant X. Le problème, c'est que on va peut-être pas continuer la course parce qu'il y a vraiment un gros souci avec cette monoplace qui est passée de l'autre côté. A priori, plusieurs personnes auraient été gravement blessées. Selon les premières informations qu'ont eues les commissaires de course, certaines seraient même mortes en fait sur le coup. Voilà, au moins c'est dit et c'est clair. A priori, Stommelen il serait dans sa voiture, mais pas mal blessé, mais il serait apparemment conscient. Patché était aussi du coup touché, hein, donc il reste dans sa voiture également. Le problème, c'est que c'est un peu la panique. Hein, tout le monde se met à crier, à traverser la piste, enfin voilà, à faire vraiment des choses complètement, enfin terribles aujourd'hui. Enfin voilà, je veux dire, ils auraient dû arrêter la course au moment-là, sauf qu'au 28e tour, en fait, on a toujours une course. Hein, donc du coup, on a une lutte en tête entre X qui dépasse Mas, du coup. Le problème, c'est qu'il y a quand même des drapeaux jaunes qui sont agités sur tout le circuit. Hein. Mais bon, ça intéresse plus personne. Mais du coup, il y a quand même des gens qui courent en même temps, quoi. C'est-à-dire que la course n'est pas du tout neutralisée. D'accord. Et si tu penses, est-ce que tu penses que ça peut être dû en partie justement aux pressions politiques qui ont fait que du coup la direction de course a été un peu plus laxiste au niveau de la signalisation des drapeaux? Je n'en sais rien, malheureusement. J'aimerais bien te répondre. Mais comment te dire? Moi, je pense qu'ils n'ont pas vu la gravité de tout simplement du comment dire du choc, quoi, tout simplement. Ouais. Enfin voilà, je veux dire, ils ont non, ils ont rien vu, ils ont rien vu de spécial parce que, enfin, je vais même te dire, celui qui a arrêté la course, c'est le gouverneur de Catalogne, quand même. Ah, d'accord, carrément. Est-ce qu'ils ont vu la gravité? Je ne sais rien s'ils ont vu la gravité. Je ne sais pas si ce sont des pressions politiques. Il faudrait faire du spectacle, ce genre de choses-là. Toujours est-il que c'est le gouverneur de Catalogne qui arrête quand même la course. Et on est 10 minutes après, 4 tours après. 4 Après, c'est tours. vrai qu'à l'époque, l'information circulait beaucoup plus difficilement parce Oui. qu'aujourd'hui, c'est facile, on a Oui, des caméras évidemment, à on a des tous les caméras à tous les virages, virages, oui, bien sûr. on a des téléphones portables et tout Évidemment, pour oui, je suis transmettre les d'accord. communications. Mais c'est vrai que quand même, le bruit avait dû courir largement avant les 10 minutes. Là, je te rejoins. C'est juste insensé, C'est quoi. fou. C'est juste, effectivement, comme tu dis, c'est juste fou. Donc, du coup, on se retrouve avec donc un 29e et dernier tour, en fait, qui sera le dernier tour de ce Grand Prix qui n'aura duré donc 29 tours et 109 km exactement. Donc, en fait, selon les lois qui régissent le sport automobile, hein, c'est la moitié des points qui est attribué. Je vais revenir sur l'accident après, évidemment. Mais pour terminer juste sur la course, alors le problème, c'est que du coup, ça va te faire marrer, mais donc le gouverneur de Catalogne. Comment dire, va donc faire brandir par erreur donc le drapeau à damier devant Reutemann et Brambilla. Donc du coup, eux vont s'arrêter aussitôt. Hein, ils pensent que du coup la course elle est terminée et donc du coup ils n'auront parcouru que 28 tours. C'est con, hein. C'est vraiment très con du coup. Tu vas comprendre une fois que je vais te faire le classement final. Du coup. Ouais. Après, juste après, X, bah, lui se dit aussi qu'il faut arrêter, donc pouf, au point mort. Et Mas, du coup, qui était juste derrière, bah, le passe, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, c'est Mas qui va remporter ce Grand Prix de Formule 1. Juste devant, donc, Jackie X, on a Jarier, Reutemann, Brambilla, qui sont classés 3e, 4e et 5e. Et la petite surprise du chef, Leila Lombardi, qui est 6e. Un point. Non. Enfin, un demi-point, pardon. Exactement. C'est la seule et unique femme à avoir marqué un point dans un Grand Prix de Formule 1. Et effectivement, ça sera D'accord. 0,5 points pour être exact. Donc, du coup, pour être complètement complet sur ce Grand Prix de Formule 1, avant d'aborder l'aspect accident, puisque je sens que vous êtes. Est-ce qu'il va nous dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a Jochen Mass sur McLaren, du coup, qui boucle les 29 tours en 42 minutes et 53 secondes, pour la petite info. Et Il a qui. volé la course, on peut le dire, mais c'est propre, C'est pas. j'approuve. Qui, donc, aura le droit de gagner 4,5 points, voilà, au lieu de 9, du coup. Suivi de Jackie X sur Lotus Ford avec 3 points. Carlos Reutemann, 28 tours d'exécuter sur sa Brabham Ford avec 2 points. Jean-Pierre Jarier sur Shadow Ford avec 28 tours également et 1,5 points. Vittorio Brambilla sur March Ford, suivi de sa coéquipière Leila Lombardi avec respectivement 28 et 27 tours et respectivement également 1 point et 0,5 points. Derrière, on a donc Tony Breeze en 7e position à plus 2 tours et John Watson sur Surtees à plus 3 tours. Donc, il n'y a que 8 voitures à l'arrivée de ce Grand Prix. On avait 25 voitures au départ. Il faut juste imaginer en fait l'hécatombe que ça a été. Oui, en 20, 29 tours, seules 8 voitures qui restent, alors que le Grand Prix devait en compter 75. Exactement. Et on a une, c'est bien significatif. Exactement. Et on a une palanquée d'accidents, en pêle-mêle, Rolf Stommelen, Carlos Pache, Tom Price, pardon, James Hunt. Thomas Price, là, c'était autre chose. De quoi? T'allais dire Thomas Price. Non, Tom Price. Non. Oui, non, excuse-moi. Ouais. C'est ma langue qui a fourché, effectivement. D'accord. Parce que c'est pas la même. Non, c'est même pas domaine. Non, c'est pas le même domaine. On a donc en accident Marc Donohue, Alan Jones, Patrick Depailler, enfin, tout ce que je vous ai dit pendant ce récit. Ronnie Peterson pour une suspension. Pour la suspension également, Mario Andretti. Enfin, voilà. C'est un hécatombe, quoi. C'est tout simplement une hécatombe. C'est Mario Andretti d'ailleurs qui aura gardé le plus de tours en tête, hein, puisqu'il a fait 10 tours en tête, suivi de Rolf Stommelen et James Hunt. Voilà, donc ça c'est pour le classement de la course. C'est la première et seule victoire, si je ne m'abuse, de Jochen Mass. C'est la seule victoire de Jochen Mass, voilà, donc paix à son âme. C'est la 14e victoire de McLaren en tant que constructeur et la 82e victoire pour Ford Cosworth en tant que motoriste. Donc voilà, tout simplement, en tout cas pour la course, puisque derrière effectivement on a cet accident, ce très très grave accident. On a sur place, apparemment, au moment où les secours ont commencé à intervenir, 4 personnes décédées sur le coup. Le problème, c'est que la police, et tu parlais tout à l'heure des pressions politiques, et effectivement maintenant on pourrait presque le dire, la police en fait empêcherait des gens de venir au secours de Stommelen, hein, qui est toujours bloqué dans sa voiture. Sa voiture est en feu, hein. C'est grave, hein, c'est vraiment très grave. Du coup, il y a eu l'aide de Graham Hill et Wilson Fittipaldi, hein, qui vont aller sur le lieu de l'accident pour aller aider le pilote, qui se relèvera pardon, avec simplement un poignet cassé, quelques côtes. Donc c'est vraiment un miracle, hein, parce que vu la violence de l'accident, faut juste imaginer qu'il a quand même fait toute la piste et il est passé de l'autre côté, quoi. Après, c'est vrai que c'était souvent le cas à l'époque, plus fin des années 60, début 70. Là, on est quand même en 75. C'est vrai que oui, normalement, ça devrait pas être le cas, mais c'était quand même dans l'habitude de l'époque que les pilotes aillent aider directement leurs compagnons pilotes. Oui. Je me souviens d'une scène, je ne saurais plus dire quel Grand Prix c'était. C'était un Grand Prix aux Pays-Bas. Je ne me souviens plus de quelle année, à Zandvoort. Il y avait une voiture en feu. Et il y a un pilote qui s'est arrêté, qui est venu au secours de l'autre pilote avec son extincteur, hein, parce que le commissaire de piste, il refusait de l'aider. Enfin, il était complètement amorphe. Et du coup, c'est les pilotes vraiment qui étaient solidaires entre eux. Ça me dit quelque chose. C'est un accident connu en plus, mais je ne saurais plus dire. Merde. Oh, pardon, excusez-moi. Ça, c'est, pas de soucis, c'est passé pas de tout soucis. Seul. C'était dans les mêmes années, c'était celui de 70. C'était pas. Son nom me dit. Que... Ah, attends, il faut que je cherche parce que du coup, maintenant, c'est pas. C'était pas Pierce Courage? Je ne saurais pas. Quoi qu'il, je crois qu'il. Je l'avais vu dans le même documentaire que j'ai cité tout à l'heure, là, F1 Life. Non, bah, il est mort à Zandvoort, justement. Donc, je crois que ça doit être. C'est peut-être ça, oui. Voilà, il y en a eu un, il y a eu Pierce Courage, et je vois devant moi qu'il y a eu Roger Williamson également en 73, donc pas si loin que ça d'ailleurs. Ah, Williamson. Ah, c'est peut-être Williamson. Peut-être Williamson. Là, ça me dit fortement quelque chose, oui. Oui, ça me dit fortement quelque chose. Oui, oui. Alors, apparemment, en plus, celui-là, il a été retransmis en direct. À la télé. Ah, c'est pour ça que j'ai vu les images. Et il suffoquait, ouais, il suffoquait dans sa voiture. Voilà. Et les images sont terribles à voir. Hein. Et effectivement, donc tu parlais d'un pilote qui s'est débrouillé. C'est Purley le pilote dont tu parlais, David Purley, qui s'arrête immédiatement donc sur le côté de la piste et pour lui porter secours, mais du coup il mourra. Enfin, il essaiera d'aider à se faire sortir Williamson, mais du coup Williamson va mourir. Va mourir dans sa monoplace, hein, ce qui est vraiment vraiment terrible, hein. C'est impensable de voir ce genre de choses aujourd'hui. Donc voilà, 73, finalement, c'est pas très éloigné de 75. Ah non, donc... pas du tout. Non, mais de toute façon, je l'ai bien dit au tout départ de la chronique, hein, c'est le comment dire, le la mort n'était pas une. Là, effectivement, je pense qu'avec. Même avec Williamson, où effectivement c'était retransmis et télévisé, je ne pense pas que c'est, ça choquait, tu vois. Enfin, ça a dû choquer, mais je ne pense pas. Ça faisait partie du métier, si tu veux. C'est comme t'as certains corps de métier où tu sais que tu risques ta vie. T'es gendarme, t'es pompier, oui. Voilà, tu risques ta vie. D'ailleurs, Loda à l'époque, il disait qu'il avait conscience qu'il avait une chance sur 8 de mourir à chaque Grand Prix. Voilà, et puis on a bien vu ce qui lui est arrivé aussi également. Donc bon, voilà, ça faisait partie, entre guillemets, c'est con à dire, mais à l'époque, ça faisait partie du folklore. Du métier. Du métier. Et donc, du coup, alors, voilà ce que j'ai pu retrouver. A priori, sur les 4 personnes tuées sur le coup, il y aurait un photographe italien, un pompier espagnol et 2 spectateurs. Voilà. Il y a quand même eu dizaines de spectateurs à aller à l'hôpital directement pour des blessures graves. Et il y en a un, donc, du coup, qui est mort à l'hôpital. Et il y a eu, a priori, 5 personnes. Donc voilà. Et Patché, justement, qui était pas très loin de Stommelen, sentir avec une légère commotion. Donc voilà, en tout cas, pour ce terrible Grand Prix. Alors. Du coup, après la course, on a eu quelques réactions, dont celle de Fittipaldi, hein, du coup, qui a vraiment exprimé son mécontentement. Donc, je vous lis ce qu'il a dit à cette époque. C'est honteux. Le circuit n'était pas assez sûr. Je suis très, très, très énervé. Tout le monde a une part de responsabilité. Les pilotes pour avoir couru et les organisateurs. Mais surtout la commission sportive internationale qui a approuvé la course. Et Carlos Patché, donc, qui était donc, pendant, pour l'accident, enfin, dans cet accident. Qui a carrément dit donc la course n'aurait pas dû démarrer, vous ne pouvez pas jouer avec des vies humaines comme cela. Donc il y a 2 éléments à retenir, c'est que bon, déjà effectivement tout le monde ouvre sa gueule, mais après coup c'est le premier élément. Il y a eu que Emerson Fittipaldi à avoir ce courage de dire hey, stop, moi le carnage j'ai pas envie d'en avoir, donc j'y vais pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la CSI qui est vraiment visée. Hein. Et on se souvient de avant la course, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, la CSI qui soutenait les organisateurs et le Grand Prix. Hein. Donc voilà, il y avait une logique. Et d'ailleurs, vous allez voir comment c'est complètement surréaliste. Donc pour la CSI, justement, donc le président de cette commission qui était un prince de Metternich en plus. Pourquoi c'était un prince, mais bref, va s'empresser en fait de complètement dégager de toute responsabilité les organisateurs du Grand Prix, voilà, dans l'accident. Le problème, c'est que effectivement, il n'avait pas tout à fait tort dans ses déclarations. Pourquoi ? Parce que si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, ces fameuses barrières, en fait, finalement, qui ont fait fil rouge sur tout ce week-end-là, ont joué au final leur rôle. Parce qu'ils ces barrières n'ont pas cédé au final. On est d'accord. Qu'est-ce qui a fait cet accident ? C'est une défaillance. C'est un aileron. Tu vois ce que je veux dire ? Donc. Ouais, mais d'accord. Mais c'est les, donc ils ont, les caractéristiques oui, du circuit qui font ça. Oui, mais la CSI a joué sur ça. Tu vois ? La CSI a joué sur ça. Voilà. Et vu que c'était le grand débat du moment, il est d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, même Graham Hill a déclaré après la course que les barrières de sécurité ont tenu, les grillages de rétention des débris ont ralenti la voiture et l'ont empêché d'aller plus loin dans la zone des spectateurs, ce qui est complètement aussi ahurissant d'avoir déclaré un tel truc comme ça, quoi. Enfin, à la limite, non, je sais pas, j'ai du mal, moi, en fait, à me mettre à cette époque, à me dire, bah, non, bah, heureusement qu'il y avait ça, parce que dis donc, c'est pas 5 morts qu'on aurait eu, c'est. Non, enfin, il y a eu 5 morts. C'est pas le nombre, en fait, qui compte, c'est qu'il y a eu 5 morts. Il y a eu peut-être 5 morts de trop, quoi, du coup. C'est ça, en fait, du coup, la chose. Ce circuit va effectivement disparaître complètement de la circulation, hein, voilà. Donc on sait qu'à la fin de cette course, c'en est terminé en tout cas pour ce circuit. Ensuite, il y a eu une enquête sur la fameuse écurie de Graham Hill, hein, donc Embassy with Graham Hill, qui révélera que les supports de l'aileron arrière de Stommelen étaient déjà endommagés au moment du départ. Et attention, le moment lol de la chronique rétro Grand Prix, c'est maintenant. Ces mécaniciens se seraient appuyés sur l'aileron pour conduire la voiture sur la grille de départ. Lol. T'imagines les mécaniciens, ils se sont tranquille pépère, tu vois, je mange mon petit sandwich, oh, j'en mets un peu sur les ronds et puis je m'appuie sur les ronds et puis voilà. Oh là là. Ouais. C'était très pro. Apparemment, ça serait des éléments en carbone qui étaient très peu utilisés à l'époque, en fait, qui faisaient les soutiens de l'aileron. Et donc, du coup, bah, effectivement, cet aileron aurait, enfin, les supports auraient, en fait, tout simplement plié. Voilà, aussi simplement que ça. Et aurait, donc, du coup, cet aileron cet aileron est parti ensuite pendant la course et a mené à ce fameux accident. Et d'ailleurs, pour revenir un peu au fait que ce Grand Prix a disparu, du coup, comme tu m'as dit qu'il y avait la responsabilité des organisateurs qui avaient été dégagés, finalement, qu'est-ce qui a fait que le circuit a disparu? Puisque finalement, là, dans les enquêtes, etc., rien ne critique le circuit finalement. Comment te dire, c'est juste l'aspect, on va dire, tragique. Il y a eu l'aspect tragique. Il y a eu la polémique sur les rails de sécurité. Hein. Et il y a eu la dangerosité du tracé. Le tracé est très dangereux. J'en ai pas parlé. Alors c'est vrai, on oublie parfois de parler de certaines choses, surtout dans une chronique aussi dense que cela. Il y avait il y avait des, faut voir le tracé du circuit en fait, pour faut vraiment le voir pour limite le croire. Il y a par exemple le virage numéro 6 qui est la recta de las Fuentes, qui est un virage à angle droit qui n'est pas un quoi, il y a des endroits comme ça dans le circuit qui de toute façon qui en font un circuit dangereux. Il y avait des antécédents également en 69 notamment. Il y avait des premiers signes que ce circuit était dangereux, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est l'histoire rattrape l'histoire entre guillemets, l'aileron l'aileron arrière de la Lotus de Graham Hill va casser tout simplement juste dans la compression. Donc la compression juste avant cette fameuse bosse de l'Estadio. Et donc du coup, la monoplace est envoyée dans les rails à haute vitesse. Pas au même endroit, mais là où il y a également des spectateurs. Alors, a priori, personne n'a été blessé en 69. Mais voilà, déjà, tu vois, il y avait des prémices, quoi. Enfin, c'était un circuit dangereux. Juste après, d'ailleurs, cet accident de Graham Hill en 69, il y a eu Jochen Rindt, quelques tours plus tard, qui s'est splatché dans le même endroit que Graham Hill. Quand même. D'accord. Tu vois, c'est... Enfin, voilà, il y a vraiment... Il y a une situation qui fait que ce circuit, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Pourtant, il y a eu deux autres Grands Prix ensuite. Il y a eu le Grand Prix 71 et le Grand Prix de 73, qui eux se sont passés très bien. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de polémique, entre guillemets. Et c'est vraiment, c'est vraiment cette course en 75 qui a complètement arrêté ce circuit, par le tracé, par les rails et par le nombre d'accidents. Qui se sont produits, quoi. Donc voilà, pour ce Grand Prix d'Espagne 1975, qui du coup au bilan comptable, hein, puisque on continue après la suite de la saison. La saison n'était pas finie, bien entendu, puisqu'on n'était que sur la quatrième course de la saison. Fittipaldi du coup va conserver la première place du championnat avec 3 points d'avance sur Reutemann et McLaren au championnat constructeur va revenir à un demi-point de Brabham avec ce succès, pardon, de Jochen Mass. Ça, c'est pour le bilan comptable. Et pour terminer, pour être vraiment très complet sur 1975, la saison se terminera avec le couronnement donc de Niki Lauda, qui sera champion avec 64,5 points devant Emerson Fittipaldi et Carlos Reutemann. James Hunt finissant quatrième devant Clay Regazzoni. Et au chapitre constructeur, on aura Ferrari champion également, devant Brabham Ford. pardon, devant Brabham Ford et McLaren Ford et Escat Ford et Tyrrell Ford, puisqu'ils avaient tous des noms en Ford. Ah oui, vu que, comme tu l'as dit plus tôt, le, ah oui, tout à le fait, moteur oui. Ford Cosworth était oui. Très très représenté. Tout à fait. Et avait, comme tu l'as souligné un moment, oui. Il y avait quand même un palmarès assez... assez fort. Tout à fait, exactement. Même encore aujourd'hui, je pense qu'en termes de chiffres, il doit être bien en placé. En termes de chiffres, Ford Cosworth, si on, alors évidemment, si on, je ne sais pas si on peut dissocier Cosworth de Ford. Alors, juste pour information, les pilotes, alors les pilotes et les écuries ayant été championnes du monde pardon, avec un moteur Cosworth s'étendent de 1968 avec Graham Hill jusqu'à 1994 avec Mickey Schumacher qui avait gagné sur une Benetton Cosworth, un moteur Cosworth. Donc on a eu pêle-mêle Matra Cosworth en 69 avec Jackie Stewart. On a eu Josh Unrindt avec Lotus en 70, Jackie Stewart en 71 avec Tyrrell, Fittipaldi et Emerson avec 72 chez Lotus, Tyrrell de nouveau avec Jackie Stewart en 73. Ils ont glané en fait presque toute la décennie 70, c'était du Cosworth. On a eu 74 de nouveau Emerson Fittipaldi avec McLaren, Jens Hunt avec McLaren pardon 76, 78 avec Andretti pardon chez Lotus, Williams avec Alan Jones en 1980, 1981 chez avec Piquet pardon chez Brabham, Keke Rosberg chez Williams en 82 et donc la décennie 90 avec 1994 et Michael Schumacher. Donc oui, il y a eu une grosse période Cosworth hein, puisque de toute façon ils équipaient quand même toutes les écuries, parce que toutes les écuries à deux exceptions près, puisqu'il y avait Ferrari et BRM. Donc c'était quand même j'étais mauvaise langue la dernière fois quand j'ai critiqué Cosworth. C'était quand même un beau palmarès, mine de rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a parlé beaucoup de statistiques. Oui. Il me semble, Ghislain, que tu voulais rappeler un site qui t'a beaucoup servi, oui. Qui nous sert beaucoup, à tous, ouais. Que ce soit à toi, à Mister Yo-Yo, à moi, pour préparer les podcasts. Exactement, c'est statf1.com. Je ne connais absolument pas la personne qui est derrière ce site, mais c'est juste un site énorme. Vous allez voir, c'est rempli de stats, mais ça c'est tout sur tout. Je n'ai jamais vu un truc aussi complet. Enfin, je crois que c'est vraiment une bible hein. C'est la bible de la F1. C'est un tel truc qu'il faudrait vraiment que j'espère que enfin, je sais pas qui est derrière ce truc là au final, et du coup là je vais sur contact et j'ai rien de spécial. Non, il y a vraiment rien du tout, donc je ne sais pas qui sont les auteurs. Toujours est-il que c'est vraiment énorme. Allez-y, faites un tour. Vous êtes fan de F1, faut y aller quoi, parce que c'est vraiment un très très beau site qui nous permet effectivement d'avoir toutes ces informations les plus complètes possibles. Et puis je me suis également appuyé sur on le disait en tout début de podcast, sur l'article de USAV de la F1. Alors, je sais pas si on l'avait dit en début de podcast ou en off. Mais sur le site du SAV. Tiens, non, on l'avait cité. On l'a cité, on l'avait ok. Cité, oui. Où Fab a écrit un très long article séparé en 5 parties, depuis donc, les débuts du Grand Prix d'Espagne à Montjuïc en 69, jusque donc le fameux Grand Prix d'Espagne 75, où j'ai tiré également des informations. Et je cite également Wikipédia qui m'a aidé à préparer l'émission en recroisant le maximum d'informations pour être le plus complet possible. Alors bien entendu, il y aura toujours des erreurs ou des égarements ou des choses que je n'aurais pas dit ou dites, pardon. Et évidemment vous pouvez toujours réagir hein, s'il y a des choses que je dois améliorer, si je dois ne plus faire certaines choses, ou si je dois arrêter de vous égrener la longue liste des écuries lorsqu'on est en 1970 par exemple. N'hésitez pas à le dire, à le faire savoir à Julien, donc sur son Twitter et même sur mon Twitter. Et sur le tien également. Oui, sur le mien également. Rappelez ton Twitter. @redscape_bzh et également @les_abyssal, puisque j'ai deux comptes, un pour gérer mon podcast que je fais et un pour mon compte personnel. Donc voilà trois sites qui m'ont aidé en tout cas à préparer cette chronique. Et merci à toi Julien pour ton accueil. Et, De rien, merci à toi d'être venu faire cette chronique très intéressante d'un Grand Prix qui reste à jamais dans l'histoire, encore une fois, un autre. Oui, bah j'essaie de trouver des grands prix qui restent à tout jamais dans l'histoire. La prochaine fois, je vous promets, on prend un bon truc. On prend un couronnement. J'ai cru que tu allais me dire, on prend un truc qui n'est pas resté dans l'histoire, un grand prix qui a duré deux tours avec un drapeau rouge et hop, c'est parti. Non, on prend... Bonjour, merci, au revoir. Non, on prendra quelque chose d'un peu plus heureux puisqu'on prendra le couronnement d'un des plus célèbres pilotes de la discipline qui reste en... Pastor Maldonado. Ah non. J'aurais bien voulu, mais non. Je suis désolé, je ne pourrais pas. Non, de quelqu'un qui reste encore dans les annales de la Formule 1 d'après ses stats. Je vous donne un indice pour ceux qui auraient regardé il n'y a pas si longtemps. Le pauvre avait une voix complètement cassée. Je ne sais pas comment il a fait pour parler. Parce que j'avais l'impression que c'était un méchant qui parlait. Enfin, voilà. C'est le seul indice que je distillerais. Charge à celui. C'était sur Canal+ pour celui qui voudrait savoir. Aller chercher de qui je parle. Et c'était à la dernière émission. Ce monsieur avait une voix complètement d'outre-tombe. Voilà, maintenant, je sais quelle course je vais vous parler la prochaine fois. Et en tout cas, restez à l'écoute d'Analyse F1 parce que l'ami Julien, il fait vraiment des bons petits papiers comme on les aime. Voilà. Ah ben, c'est gentil. Et on apprécie également tes chroniques. On a hâte de découvrir ton prochain rétro GP. C'est vrai que là, tu nous mets l'eau à la bouche. Donc, n'hésite pas. De toute façon... On se contacte assez vite pour organiser ça. Oui. D'ici peut-être un mois. D'ici un mois, ouais, parce que j'ai les Abyssales spéciales Transient Festival le mois prochain, avec d'ailleurs en avant-première, vous allez pouvoir le savoir, un invité que je dévoilerai un peu plus tard. Donc j'ai pas mal de choses à préparer pour cette émission. Ouais, ça sera vraisemblablement d'ici, allez, on va dire début novembre. D'ici début novembre. Si j'ai le temps, je pourrais essayer de la préparer avant. Mais je pense que ça sera d'ici novembre. Hein, voilà. Mais en tout cas, je vous oublie pas, je suis bel et bien là et je vous prépare des petites chroniques. Parce que j'adore ça, en fait. Et oui, moi aussi, c'est vrai que ça change et puis ça permet d'explorer d'autres horizons. Tout à fait. Que le format habituel d'analyser. Exactement. Faire découvrir le sport dans son ensemble, c'est important, ouais. Selon moi, et j'espère pouvoir vous le faire encore plus avec d'autres types de podcasts. Mais en ce moment, je vous avouerai que je n'ai pas trop le temps. Hein. Je n'ai pas trop le temps de faire ce que j'aimerais faire sur le podcast, mais ça viendra peut-être, je l'espère, hein, vraiment. Mais bon, en attendant, je vous prépare toujours mes chroniques et des émissions. Et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, merci à toi, Ghislain, pour cette chronique, encore une fois. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Eh bien, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast, d'ici sûrement quelques jours. C'est dur de se placer dans le futur, là. Non, tu as juste à dire, après le Grand Prix du Japon, voilà. Terminé. C'est tout. Mais non, parce que après le Grand Prix du Japon, là, c'est ce podcast qui est publié. Ah oui, donc oui. C'est encore après. Et oui, et retour vers le futur. Là. Ouais, oui, Marty. Oui. Rentre dans la DeLorean. Pardon. En plus, voilà, c'est bientôt. Oui, oui, et puis il est tard. On sent qu'il est tard. On sent qu'il est tard aussi. Ouais. C'est 23h30, hein, pour tout vous dire la vérité. Ouais. Hein, 24 septembre 2015, voilà. Tout vous avez la preuve. Et donc, rendez-vous au prochain podcast. Et j'espère que le week-end dernier, du coup, vous avez pu vivre votre passion. Et puis ensemble, hein, à l'avenir, comme toujours. Oui. Allez, Ghislain, vivons notre passion. Notre passion. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Thank you. Mmh.